Ça, tu vois, j'ai pas très bien compris ce que tu m'as dit. C'est pourtant simple. Ah oui? Je te l'ai expliqué au téléphone. Oui. Tu as la chance, et Dieu t'a créé comme ça, t'es un Don Juan. Bon, faut rien exagérer, alors. Mais si, parce que je te vois souvent aux Champs-Élysées, t'as toujours une jolie fille au bras. Ah oui? C'est pas que je suis jaloux, mais moi, je peux pas en accrocher une. Oh. Alors, je t'ai demandé ce matin au téléphone si tu pouvais pas me trouver un truc pour essayer que moi aussi, je... Je vais venir. Eh bien, figure-toi que j'ai pensé. Oui, oui. Je vais user d'un petit stratagème uniquement pour toi. Tu as pensé à quelque chose? Oui, oui, oui. Lucien, donne-moi la main. Fernand. T'es un pote. Tu vas voir. C'est vrai, dans le nombre de femmes que tu connais, j'ai dit, bon, il y en a pas une ou deux qui va, hein? Oui, justement. Tu vas voir. Tiens, approche-toi. Monique. Tu connais Monique? Oui. Elle te plaît, Monique? Oui, elle est très gentille. Ah, elle est mignonne, Monique. Alors, c'est une belle fille, là, hein? Oui, ah, oui. Ah, sûr. Pour un mardi soir, ça va, quoi. Bon. Eh bien, figure-toi qu'avec Monique, j'ai rendez-vous à 5 heures. Alors toi? Où ça? Bah, t'as dit-le, où? Ben, chez elle. J'ai rendez-vous chez Monique à 5 heures. Oui, alors? Alors, toi, tu vas arriver à 5 heures moins 10. À 5 heures moins 10, tu arrives chez Monique. Attends, ça va pas gêner, non? Non, puisque j'en prends la responsabilité. Oui. Alors, tu arrives à 5 heures moins 10 chez Monique, tu frappes, Monique vient t'ouvrir la porte. Mmh. Alors, bien sûr, il va y avoir un petit effet de surprise, c'est normal. Elle va demander ce qui lui arrive. Oui, elle va dire, tiens, Fernand, qu'est-ce que vous faites là? Mais entrez donc! Et alors, tout de suite, tu n'hésites pas, tu t'allonges sur le sofa. Moi, je veux bien, mais dans quel but? Mais là-dessus, j'arrive à 5 heures. Oui. Je te trouve dans cette position, allongé sur le sofa de Monique. Alors, je vais être furieux! Je vais te dire ce qui va me passer par la tête. Je vais dire, non, mais dis donc! Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te sauver? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas te sauver, hein? J'ai pas peur, comme ça. Alors, tu me donnes une gifle. Oui. Et moi, je pars en pleurant. Et qu'est-ce que ça donne, tout ça? Mais ça donne que Monique va dire, Fernand est un type extraordinaire, et l'autre, c'est un abruti. Et Monique va te tomber dans les bras. T'en parles pas si vite, parce que j'ai un boulot pour te suivre, dis donc. Mais tu sais que c'est du Claudel, ce que tu dis là? C'est moins long. C'est moins long, mais c'est claudélien. Alors... J'arrive à 5h moins 10 chez Monique. Bonjour Monique, ça va bien? Oui. Je m'allonge sur le sofa. Tout de suite. Pour montrer que je suis un peu chez moi. Mm-hmm. De manière que lorsque toi tu arriveras à 5h, n'est-ce pas, altercation, n'est-ce pas, nous grandeur. Oui. Je voudrais qu'on répète un peu le. Ah, si tu veux. Oui, vas-y. Tu veux qu'on répète à 5h moins 10? Oui, parce que je voudrais pas commettre d'impair. Hein. D'accord. Vas-y. Alors on va répéter. Alors, allez, vas-y. Alors je m'allonge sur le sofa. Alors il est 5h moins 10. Parce tu t'allonges sur le sofa. Les jupes, pasteur. Vas-y. T'es bien sur le sofa? Enfin, je suis bien. Alors il est 5h pile, je suis furieux, hein? Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te surveiller, qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Non! Pas. Tiens, viens, on va répéter encore un autre coup. Hein. Non, moi j'ai compris. T'as compris? Oui. Bon. Alors j'arrive à 5h moins 10. Je m'allonge sur le sofa. Ouais. Mais c'est où c'est que t'as été gambergé ça, dis donc? Je m'allonge sur le sofa. Hein? Toi, t'arrives à 5h, je t'en fous une, mon pote. Tu te retrouves chez la concierge. Monique dit, mais voilà un garçon extraordinaire. Lucien est un lâche. Il est parti en pleurant. Tu en fais un peu, tu oui, parles, oui. Hein? Mais vous, Fernand, vous êtes un héros. Tu sais que les femmes sont toujours flattées lorsqu'on se bat pour elles. Je vois déjà son regard, ses yeux qui scintillent. Elle se jette dans mes bras. Je sens son cœur qui palpite contre le mien. Sa joue qui frôle la mienne. Et là, tous les deux, nous tombons sur le sofa. Et puis après, je te téléphonerai, hein. Bonne chance, Fernand. Il faut pas que j'oublie. Hein? Bonne chance. Et surtout, hein, oui. N'oublie pas le sofa. Le sofa, je ne pense qu'à ça, le sofa. Je passais dans le quartier, j'ai dit, tiens, je vais aller m'allonger un moment. comme du changement chez vous ces derniers temps. Alors, je m'excuse, Fernand, je suis en train de chercher un disque et je n'arrive pas à le trouver. Vous cherchez quelque chose, vous aussi. C'est un disque chinois. Il paraît que là-bas, c'est un succès terrible. En Chine? Il paraît même que ça se vend au foie. Oh là, il y en a là-bas, alors il y en a pas non plus. Là, il y a des poufs, il y a des... On s'entrave, pof, on s'allonge sur un, là. Mais c'est pas possible. Mais vous n'avez que ce petit studio? Ah, j'ai une petite cuisine. Eh ben non, une cuisine, on peut pas. On mange, mais on peut pas. Mais qui aurait dit ça? Mais je trouve ça ridicule, moi. C'est bête, c'est pas possible de faire des choses aussi bêtes. Tout était combiné, c'était un rêve. Je m'allongeais sur le sofa, l'autre il arrivait, paf! L'autre gigue est arrivé, c'était parti mon kiki! Et là, c'est parti mon tintin, dites-moi, Fernand. Oui. Vous savez danser le twist? Pardon? Est-ce que vous savez danser le twist? Oh oui. Mais alors, sur un sofa? Qui corrige? Et alors, on tourne, on vire. Et puis, il y a les minutes qui passent. Entrez. Bonsoir, ma piquette chérie. Tiens, voilà, Lucien. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici, toi, hein? Je suis en train de me le demander, tu vois. Espèce de petit crétin, tu vas me le dire, ce que tu fais là, dis, hein? Tu vas me le dire, dis, hein? La chip, donne-moi la chip, la chip. Tu vas me la donner, cette chip? Tu m'énerves, tu m'as encore foutu de tarte. Et pourquoi tu ne me l'as pas donné, cette chip? Mais je peux pas te la donner. Et pourquoi donc? Il n'y a pas de sofa.